les braves gens. Comme le verre à soie n'avait pas réussi, la bonne Madame Pérol se trouvait par hasard d'assez méchante humeur. Et Monsieur Pérol, résigné, la laissait pousser ses Ave Maria sans trop rien dire. 10 livres de cocon, soupirait Madame Pérol, pas même le prix de la graine. Achetez-vous donc un châle avec ça. Que veux-tu, Ambroisine? Tu te l'achèteras l'année prochaine. 12 mois sont vite passés. L'année prochaine? Qui l'a vu? Une chose en tout cas certaine, c'est que je n'aurai pas encore le châle cette année-ci. Je peux chanter, mon cœur soupire. J'avais pourtant bien compté sur ce châle. Et Madame Pérol s'étant tue, Monsieur Pérol, qui crut à une accalmie, prit à un clou, son sécateur avait l'idée d'aller faire un tour au jardin. Madame Pérol l'arrêta. « Laisse donc les arbres tranquilles, tu auras demain le temps de les éborgner. » Autrefois, sans qu'on s'en mêlât, tous les ans, le vieil espalier portait. Mais depuis que le grand savant de Paris est passé par Canteperdry et qui vous a fait au cercle cette fameuse conférence, depuis qu'il a fallu s'abonner à la revue d'arboriculture, toujours dans tes histoires et tes méthodes, tes bourgs, tes greffes, tes bourgeons à bois, tes bourgeons à fruits, tu coupes, tu ronds, tu tailles, et je ne sais plus le goût qu'ont les poires.